Et si la science et la technologie permettaient un jour l'ultime dépassement de soi? Si nous pouvions nous débarrasser de nos limitations physiques, ne plus ronfler, ne plus transpirer, décupler nos forces, ne plus souffrir, ou baigner dans une réalité augmentée, pouvoir programmer sa cuisinière juste par la pensée, ne plus vieillir, ne plus mourir, y aura-t-il un moment dans l'histoire des avancées technologiques où il sera possible de télécharger sa conscience et ses souvenirs sur un disque dur et de rester éveillé dans une éternité virtuelle, quelque part dans un nuage de serveurs? Ce moment-là constituera-t-il vraiment un progrès pour l'humanité? Dépasser la biologie pour devenir son propre avatar est-il une perspective réjouissante? Et si oui, pour qui? Pourquoi? Cela doit faire plus d'une année qu'un dossier nous a été demandé sur le fascinant et très intimidant sujet du transhumanisme, et il nous aura fallu un crossover avec l'excellent podcast Vie artificielle pour que cela devienne enfin une réalité. Nous sommes le mercredi 15 février 2012, vous êtes sur Podcast Science épisode 73 ou 73, et sur A-Life Vie artificielle épisode 9, et il est l'heure du transhumanisme. Alors moi c'est Alan, alias Professeur Fun de Podcast Science. À mes côtés, quelques comparses, mais pas tous. Marco n'est pas avec nous, il est en vacances. Quelqu'un tape sur son clavier là, il devrait couper son micro. Franck n'est pas avec nous, il n'est pas puni pour avoir eu une connexion épouvantable lors du dernier épisode. Cette fois, c'est encore plus prosaïque, il a oublié son micro-casque, donc pas de Franck avec nous. Par contre, on a Hélène, heureusement. Salut Hélène. Bonsoir. Voilà, l'honneur est sauf. Et puis, côté podcast science, il y a encore du monde ce soir, puisque Nicolas, alias Nicotup, est également dans notre studio virtuel. Salut Nicolas. Bonjour. Donc Nicolas, on va te présenter en 2 secondes. Tu es un auditeur, vulgarisateur, mathématicien, qui en avait ras-le-bol qu'on raconte, enfin plutôt que je raconte, toujours des bêtises dès qu'il est question de mathématiques. Alors, en bon poditeur, tu as proposé tes services pour préparer un premier sujet pour le podcast, et plus si affinité. Donc, ce sera la semaine prochaine, et tu vas nous parler de la notion d'infini en mathématiques. Et tu es là ce soir pour nous pitcher ton dossier en 1 minute. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais évidemment, tu interviens quand bon te semble pendant l'émission. Et puis, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas que sur Podcast Science ce soir, il s'agit d'un épisode crossover, donc nous avons également le plaisir de nous trouver sur le podcast A-Life Vie Artificielle, podcast passionnant, brillamment mené par son créateur, David, alias Xilrian, qui, si tout va bien, est avec nous. Salut David! Ouh là là, tant de compliments, ça fait un petit peu trop, mais c'est très gentil, je ne les mérite pas. Ah si, si, tu Et les mérites, j'ai aucun souci. je suis très heureux de pouvoir faire ce crossover avec Podcast Science, et puis ça nous donnera peut-être, si jamais on a le temps, normalement on devrait du coup pouvoir faire un petit débat en fin d'émission rapide sur les thématiques abordées. Bah, on espère, ouais. On va essayer. Enfin, c'est le but, quoi. Si on arrive effectivement à dialoguer un petit peu sur le sujet, c'est un sujet quand même assez controversé, qui pose pas mal de questions d'éthique, enfin toutes sortes de choses. Ce serait vraiment bien si on a l'occasion d'en parler. En tout cas, on est super content de faire cet épisode avec toi. Enfin, je diffère avec toi. C'est toi qui as tout fait en réalité. Donc, place à celui qui sait de quoi il parle. Il est temps qu'on écoute ce que tu as à nous dire. D'accord. Alors donc, bon, déjà, je suis pas super super habitué au live. J'espère que tout va bien se passer quand même. Et je vais donc vous parler de trans et de post-humanisme. Si je m'intéresse à pas mal d'éléments qui sont dans la périphérie du transhumanisme, du transhumanisme, je tiens tout d'abord à préciser que je ne m'estime nullement expert du sujet. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos critiques et remarques. Je m'adresse à Alan, à Hélène, mais aussi aux autres. N'hésitez pas à envoyer vos réactions si jamais vous écoutez le live, commenter en direct ou sur les sites des 2 émissions. Je tiens aussi à préciser que ce dossier va un petit peu différer des dossiers habituels de Podcast Science, dans le sens où je vais ici non pas vous présenter directement un point scientifique, mais plutôt une idéologie, un mouvement culturel qui est lui-même très tourné vers les sciences. Alors, je vais Oula, je suis désolé, gros bruit, vous êtes toujours avec moi? Est-ce qu'il t'arrive? Ouais, on est là, on t'entend. Non, c'est une canette qui est tombée. Je m'excuse. Voilà, démasqué. Donc, je vais commencer déjà par définir un petit peu ces notions, donc le transhumanisme et le post-humanisme. L'idée directrice est que nous approchons d'un tournant où la science et la technique vont rendre possible la création d'un homme pas ou moins soumis au vieillissement et qui aura des capacités intellectuelles et physiques supérieures à un post-humain. En découle une volonté de changer l'homme, une volonté d'aboutir à ce post-humain. Et pour les transhumanistes, cet objectif est rendu possible par les progrès de la technique et aboutira au changement de la nature humaine. Derrière le post-humanisme se cache donc une grande confiance en la science et une croyance en l'existence d'un progrès. Et si le terme n'était pas autant connoté négativement, je dirais que le post-humanisme est une forme de scientisme. Au passage, vous vous demandez sûrement s'il faut faire une distinction entre trans et post-humanisme, vu que j'emploie indistinctement les deux termes. Il me semble que dans le monde anglo-saxon, le terme transhumanisme est beaucoup plus utilisé, en tout cas pour désigner un mouvement. Il me semble aussi qu'il n'y a pas de définition universellement admise faisant une distinction claire entre ces deux concepts. En tout cas, j'en ai pas trouvé, ou plus exactement, j'en ai trouvé, mais des contradictoires entre elles. Mais le terme transhumanisme insiste naturellement plus sur le transhumain, qui par contre est défini, et donc qui est plus la transition, c'est-à-dire l'amélioration de l'homme, tandis que le terme post-humanisme insiste davantage sur le post-humain, qui fait référence à quelqu'un, qu'une entité ayant évolué, ayant éventuellement quitté son statut d'humain, peut-être une sorte d'intelligence artificielle, un homme modifié génétiquement, tellement modifié que son code génétique n'a plus rien d'humain, enfin bon, quelque chose de très différent. Par ailleurs, le post-humanisme est généralement plus large que, enfin, brasse des concepts un petit peu plus larges que le transhumanisme, j'ai l'impression. Avant D'accord. de tracer un petit historique du transhumanisme, j'aimerais revenir rapidement sur quelques notions liées, dont une dont vous avez sûrement déjà entendu parler, la singularité technologique. Je vais peut-être aussi parler un petit peu moins vite parce que j'ai l'impression que la Il n'y a pas de singularité. problème, jusque-là on arrive à suivre, pas de C'est bon? souci. Ouais. C'est vrai? Ok. Donc, la singularité, c'est une idée qui est attribuée à John von Neumann, un brillant savant américain des années 40-50 qui devrait être familier des auditeurs de vie artificielle, quelqu'un de fort sympathique, grand partisan de l'utilisation de l'arme atomique. Je suis bien sûr ironique quand je le présente comme fort sympathique. Vas-y, Non, je commentais effectivement avant que tu précises que c'était ironique. Ouais, non, je suis ironique, même si a priori il faisait des petites blagues à Einstein, c'était un bon vivant, etc. Mais bon, enfin, il avait des idées plus que limites. C'est l'un des partisans des personnes qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Il avait des idées plus que limites, mais bon, c'est aussi l'un des pères de l'informatique avec Alan Turing, l'un ou le père de la vie artificielle, ou le grand-père de la vie artificielle, on va dire, et c'est aussi un créateur du concept de singularité technologique. C'est lui qui a inventé le terme, a priori. Le concept de singularité technologique, donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il y a une accélération du progrès technologique humain, et que si on représente ce progrès par une courbe, on approche d'une sorte de tangente verticale. La courbe ressemble un petit peu à une exponentielle, enfin, elle admet une tangente verticale plutôt. D'accord, donc Je le ne vais pas dire progrès. de conneries, surtout qu'il y a un mathématicien à côté. Ouais, attention, il va pas couper. l'idée, c'est que pour les partisans de la singularité, quand on va passer ce point, cette tangente, donc la singularité, les progrès technologiques seront si importants que l'on aboutira à une sorte d'explosion de l'intelligence dont les conséquences sont quasiment impossibles à imaginer. La singularité est souvent présentée comme reliée à l'informatique et la loi de Moore, à des intelligences artificielles ou des machines capables de créer des versions améliorées d'elles-mêmes, ce qui est d'ailleurs dans la droite lignée des travaux de John von Neumann dont je parlais tout à l'heure. Il y a un petit peu l'idée que la manière dont ça va se passer, c'est une première intelligence artificielle qui arrive à créer une intelligence artificielle un petit peu meilleure, une copie d'elle-même un petit peu meilleure, et ainsi de suite, et tout cela va très vite, et il y a d'un seul coup une explosion de l'intelligence disponible. Et ces gens, bien sûr, vont espérer après pouvoir utiliser cette intelligence disponible pour créer un post-humain. C'est pour ça que que le concept de singularité technologique les attire. Ok. Faut aussi sans doute que je dise un mot sur le concept d'extropie. Pour Extropie, raconte-nous ça. Ouais, alors pour ça, on va déjà avoir besoin de la notion d'entropie. Donc, je crois que tu t'étais proposé de Ouais, me. l'entropie, moi j'adore ça. Donc l'entropie, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. C'est l'idée de la configuration de désordre maximal auquel l'univers semble aspirer naturellement. L'exemple qui est souvent donné, c'est les molécules de parfum qui sont super bien organisées dans leur flacon. Bah, dès qu'on les libère, quand elles sortent du vaporisateur, elles vont avoir tendance à se mélanger, à s'éparpiller autant que possible dans l'air ambiant. Et donc, spontanément, les molécules de parfum vont jamais choisir un arrangement organisé, mais juste un état de désordre maximal et irréversible. On peut pas les remettre après dans le flacon une fois qu'elles se sont promenées un peu partout. Idem quand on mélange du lait à son café, par exemple. On a deux entités qui sont bien organisées, le lait d'un côté, le café de l'autre, mais une fois qu'on les mélange, c'est impossible de faire machine arrière. Ou quand on casse un œuf, enfin voilà quoi. Ça, c'est l'idée d'entropie. C'est que tout est désorganisé, finalement naturellement désorganisé. Et bah, du coup, l'extropie, donc, bah, ça va être l'idée de refaire du lait et du café avec le café au lait, à partir du café au Ok. lait. C'est-à-dire d'inverser cette notion d'entropie et d'aboutir à, non pas de plus en plus de désordre, mais de plus en plus d'ordre. Alors, sachant que c'est donc l'une des lois de la thermodynamique, enfin, l'idée d'extropie consiste à inverser une loi physique. Donc c'est un objectif qu'on va qualifier d'un petit peu ambitieux. Et pareil, je suis un petit peu ironique, de très ambitieux. Maintenant que j'ai très rapidement présenté donc ce qu'est le transhumanisme et ce que sont ces deux idées, donc la singularité et l'extropie, qu'on retrouve pas mal dans les mouvements transhumanistes. Oui, désolé, Juste vas-y, une vas-y. question. Il y a Barberousse qui demande dans les commentaires, dans la culture populaire, est-ce que Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, le jeu Deus Ex, enfin, sont-ils des exemples de post-humanisme? Bah, il me semble que oui. Alors même si, alors je vais pas trop parler de l'aspect culturel. J'en dirai un tout petit mot un petit peu plus tard. L'imagerie du transhumanisme ressort surtout vient surtout du courant cyberpunk niveau littérature. Mais oui, je pense que ce sont aussi de bons exemples de post-humains. Enfin, il me semble. Alors, je vais continuer donc avec un petit historique, essayer de dresser un rapide historique. Généralement, quand on entend quelqu'un présenter le transhumanisme, la personne commence par signaler qu'il ressemble, je pense à juste titre, qu'il s'inscrit dans la droite lignée de traditions scientifico-mystiques bien plus anciennes, qui elles aussi cherchent à découvrir des moyens d'accéder à l'immortalité. On peut citer par exemple la tradition gnostique du christianisme, donc c'est des chrétiens, disons, un petit peu plus mystiques des origines, qui ont plus ou moins connu un destin tragique, enfin, qui se sont fait bouffer par la branche majoritaire. On peut parler aussi des recherches des alchimistes, qui ne cherchaient pas que à changer le plomb en or et la pierre philosophale, mais aussi qui étaient en quête d'immortalité. On peut parler aussi de certaines religions orientales. On cite aussi souvent la légende de Gilgamesh, héros sumérien, cherchant à acquérir l'immortalité. Donc je crois que c'est l'un des textes les plus anciens qui datent de, je crois, 2 millénaires avant Jésus-Christ. J'espère ne pas dire de conneries. Je suis peut-être en train de dire une grosse connerie, excusez-moi, sinon je. Bon, c'est Bref, un vieux texte, en tout cas, c'est un l'épopée de vieux texte, Gilgamesh. oui. Voilà. Plus récemment, le transhumanisme est aussi un descendant de l'humanisme et des Lumières, dans le sens où il se conçoit aussi comme étant une idéologie fondamentalement rationnelle et qu'il met l'accent sur l'amélioration de la vie humaine, qui met ça au centre de son dispositif idéologique. Le terme transhumanisme apparaît à la fin des années 50, mais le transhumanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui ne se structure en organisation que dans les années 90 sur des idées provenant des années 60 à 80, comme par exemple la vague hippie, même si le lien entre les hippies et les transhumanistes ne semble pas évident, on va voir qu'il y en a pas mal. C'est aussi relié à des idées comme la sémantique générale qui postule par exemple qu'on peut changer l'homme en changeant le langage, que l'homme est déterminé par sa culture et qu'en changeant sa culture, on va pouvoir améliorer l'homme, créer un langage idéal. On retrouve aussi dans le mouvement transhumaniste les influences de trois idéologies politiques qui s'entrecroisent. Donc déjà les hippies dont j'ai déjà tout parlé un petit peu, dont je vais reparler après en quête de sens et de mystique, une gauche humaniste et un libertarianisme individualiste d'un troisième côté. Alors le libertarianisme, c'est disons un libéralisme proche de l'anarchie qui est un petit peu entre l'anarchisme d'extrême gauche et l'extrême libéralisme qui apparaît pas vraiment à l'extrême gauche pour le coup. C'est un petit peu un mélange de ces deux idées, qui est un mouvement enfin, très puissant, j'exagère un petit peu, mais qui est très présent dans le paysage politique américain, beaucoup moins en Europe, mais donc qui se retrouve dans les idéaux transhumanistes. Je vais revenir un petit peu sur le mouvement hippie et je vais vous dire quelques mots sur Timothy Leary avant de continuer, qui représente assez bien l'excroissance technophile du mouvement hippie. Il est connu pour avoir été l'un des prophètes du LSD. Je pense que si jamais vous le connaissez, c'est surtout pour ça. C'est aussi un scientifique, ça a été aussi reconnu pendant une partie de sa vie. Il développa vers la fin de sa vie un projet prônant l'augmentation de l'espérance de vie ainsi que l'extension de l'intelligence humaine, le tout associé à de la conquête spatiale, trois thématiques qu'il est à mon sens cohérent d'associer et qu'on retrouve fortement dans le mouvement transhumaniste. À noter aussi que ce rêve de conquête spatiale dans le mouvement hippie à la périphérie du mouvement hippie se manifestait aussi par une organisation, je crois, qui s'appelait L5, Lagrange 5, j'espère ne pas me tromper, qui rêvait d'installer une station habitable, habitée, enfin une espèce de ville spatiale au point de Lagrange, et dont faisait aussi partie Christopher Langton, donc un des fondateurs aussi du domaine de la vie artificielle. Donc ce monde est petit. Et on retrouve plein d'acteurs dans des Et c'est toujours les mondes, mêmes qui finissent par se ouais, voilà, rencontrer dedans, c'est ça? qui ont, ouais, alors que ça a pourtant l'air assez différent. Je continue en disant aussi que les idées transhumanistes, vous allez le voir, sont souvent un petit peu à la frontière de la science. Leurs idées ne sont pas franchement dans les pseudosciences, on n'est pas dans Lysenko, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de darwinisme, qu'il n'y a pas de sélection naturelle, alors que, obviously, il y en a. Mais on est souvent dans des idées assez marginales, des scientifiques relativement, enfin, qui peuvent être relativement isolés, ou des mouvements culturels qui s'inspirent de la science, mais qui ne sont pas vraiment dans la science, enfin, genre la littérature cyberpunk, qui s'intéresse aux objets scientifiques, mais ce n'est pas de la science, c'est juste de la littérature. Voilà, donc c'est vraiment des trucs qui sont en périphérie. On retrouvera un petit peu la mémétique un petit peu. Il faut aussi préciser, donc, en parlant littérature, donc, que l'imagerie transhumaniste provient en grande partie de la SF, du mouvement cyberpunk. Je vais pas développer cet aspect-là dans le dossier, mais on peut tout de même rapidement citer donc Neuromancien de William Gibson comme œuvre ayant inspiré fortement le mouvement transhumaniste. On peut aussi, à l'inverse, mettre Serial Experiment Lane, un animé japonais, en œuvre qui a, pour le coup, été fortement inspiré par le mouvement transhumaniste. Donc voilà un petit peu pour les inspirations littéraires et culturelles. Maintenant, je vais progresser dans le temps et aller dans les années 90 pour vous parler des organisations qu'on peut qualifier de transhumanistes. OK. La première organisation transhumaniste à apparaître, c'est l'Extropy Institute, qui est fondée en en 1992 et qui a disparu depuis. On retrouve ici, au moins dans l'ESI, donc extropie, donc ce qu'on a défini tout à l'heure, dans le nom choisi de l'association, un objectif particulièrement ambitieux, voire irréaliste. Par ailleurs, politiquement, l'Extropy Institute était, semble-t-il, particulièrement libertarien et sans doute plutôt pas mal à droite, peut-être pas si éloigné que ça des milieux républicains aux États-Unis. L'organisation a disparu en 2007, même si sa mailing list reste plutôt active. Voilà, là je ne fais que retranscrire ce qu'explique Rémi Suissens. J'avoue, Rémi Suissens, j'avoue que je ne me suis pas renseigné personnellement sur l'Extropy Institute. De l'autre côté, avec des ambitions affichées beaucoup plus raisonnables, apparaît en 1998 l'Association mondiale de transhumanisme, World Transhumanism Association, qui s'est depuis renommée en Humanity Plus, et qui définit ainsi le transhumanisme et donc ses objectifs. Elle donne deux définitions, donc je vais vous les donner toutes les deux. Première définition du transhumanisme: le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer de manière significative les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l'être humain. Deuxième définition, qui vient toujours de cette même organisation, le post-humanisme, c'est l'étude des répercussions, des promesses et des dangers potentiels de techniques qui nous permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine, ainsi que l'étude des problèmes éthiques que soulève l'élaboration et l'usage de telles techniques. Donc on voit ici que l'association se place non seulement en promoteur de la technique, mais aussi et peut-être surtout comme un lieu de réflexion aux conséquences éthiques de l'arrivée d'un post-humain. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant et que c'est pas forcément l'image qu'on a en tête des mouvements transhumanistes. Dans la même Mais lignée, il c'est me vrai que semble. Oui, ouais, vas-y. ça dénote d'une certaine maturité de la réflexion déjà. Tout à fait, oui. En tout cas, moi j'ai tendance à associer l'idée de transhumanisme à des geeks un peu cyberpunk, surexcités, qui n'en peuvent plus à l'idée qu'un jour ils vont se faire télécharger sur un serveur. Là, on a quelque chose qui. Enfin, dans le mouvement, quoi, on a déjà une réflexion, on a déjà des questionnements éthiques, on a une espèce de méta-positionnement par rapport au phénomène. Tout à fait, un positionnement plus mûr quelque part et justement qui se veut de penser un petit peu la chose sur le long terme, ce qui semble, enfin, ce qui est ce qu'on recherche en fait dans une idéologie. On n'a pas, enfin, on recherche pas juste de l'individualisme quand on veut Ouais, tout à fait. une idéologie, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident dans ce mouvement, dans le sens où tous les mouvements, on va le voir juste après, sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Dans un petit peu la même lignée, me semble-t-il, il y a aussi l'association française de transhumanisme qui s'appelle Technoprog. Vous pouvez aller regarder sur leur site internet. Mais je vais enchaîner là-dessus. Donc, un petit peu à l'opposé, je dis ça parce que le monsieur me semble pas forcément outre mesure sympathique, il y a la Singularity University du très connu Ray Kurzweil. Ah, on y arrive. Ray Kurzweil, c'est un petit peu, enfin, c'est la figure la plus connue du mouvement transhumanisme. C'est un personnage assez médiatique. Et donc, sa Singularity University est en grande partie financée par la NASA et par Google et son directeur Larry Page, qui est aussi très intéressé par le transhumanisme. L'association organise entre autres une université d'été où les places sont extrêmement prisées. Alors, je crois que c'est 40 places pour 1 200 demandes, me semble-t-il. C'est pour une séance qui dure 9 semaines et qui coûte, je crois, 40 000 dollars. Alors, je vous donne des ordres d'idées. À chaque fois, il y a 10% de marge d'erreur, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est quand même assez cher, très demandé. Le projet semble intéressant, mais vu d'assez loin, j'ai l'impression qu'il est très, beaucoup trop même orienté business et networking. Ça semble davantage être l'endroit où trouver comment commercialiser une invention révolutionnaire, ou trouver comment débusquer une telle invention, ou plutôt ou débusquer une telle invention. Ça semble plus ça qu'un rassemblement de chercheurs. Le deuxième point négatif pour moi tient en la personnalité même de Ray Kurzweil. Donc Ray n'est pas un chercheur, mais un ingénieur, donc tout comme moi, ça s'explique. Mais c'est surtout un commercial, il se comporte surtout comme un commercial et comme un entrepreneur. Alors pareil, c'est pas forcément une critique, mais c'est quelqu'un qui a créé une multitude d'entreprises. Donc il en a créé une qui, si je me trompe pas, enfin, non, il a inventé un certain nombre de choses. Pas des choses qui semblent extrêmement révolutionnaires. Il y a un truc qui est de l'ordre de l'instrument de musique. Il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre de la machine pour aider les malvoyants. Enfin, c'est généralement des inventions sympathiques qui ont sûrement été appréciées, des succès commerciaux. Mais c'est pas non plus, on n'a pas non plus l'impression d'être face à un génie absolument révolutionnaire quand on voit son curriculum, plus face à un entrepreneur particulièrement doué qui est assez imaginatif. Je continue, je retrouve un petit peu où est-ce que j'en suis. Désolé. On a fréquemment aussi l'impression donc qu'il essaie de vendre quelque chose, et c'est souvent réellement le cas. L'homme nous vend une singularité qu'on va avoir dans quelques années. Il se vend lui-même comme un génie. J'ai lu en partie l'un de ses ouvrages les plus connus qui s'appelle Fantastique Voyage ou Serons-nous immortels en français. Et je m'attendais à me trouver face à un livre de prospective me vantant des technologies qui allaient me faire rêver un futur extraordinaire. Ah ouais, c'est exactement ce qu'on imagine, mais c'est pas ça. Et ben c'est pas tout à fait ça. Il y a un petit peu de ça, bien sûr, de temps en temps sur des encarts, de temps en temps dans le corps du texte, mais c'est surtout un bouquin de régime, ce qui est assez surprenant. Donc c'est un régime qui nous propose d'augmenter notre espérance de vie et donc de vivre suffisamment longtemps pour vivre la singularité Ah technologique. bah ouais, pour y arriver, ouais. Mais bon, c'est un régime, donc c'est un peu décevant. Enfin, je sais pas. Enfin, surtout que c'est pas vraiment dit dans le titre, quoi. Fantastique voyage ou serons-nous immortels? Il y a pas marqué le régime qui va vous faire gagner 20 ans. Si on était plus honnête. Mais bon, il y a un autre niveau. C'est décevant, c'est que dans le régime en question, Kurzweil nous vante le mérite d'un certain nombre de compléments alimentaires. Alors, soit, bon. Complément alimentaire vendu par une entreprise de Ray Kurzweil, bah oui, hein, pourquoi pas. Bah, y a pas de petits profits. Y a pas de petit profit, ouais. Du coup, Kurzweil ressemble un petit peu à un richissime propriétaire de plusieurs restaurants étoilés qui s'apprêterait à écrire un livre, un guide des meilleurs restaurants. On peut pas s'empêcher de trouver ça un petit peu suspect et de voir pointer le conflit d'intérêts. Surtout quand, enfin, sa carrière professionnelle est tellement liée aussi au transhumanisme qu'on peut difficilement, enfin, qu'il peut difficilement avoir un regard critique là-dessus. Donc son positionnement un petit peu comme un philosophe et un penseur va un petit peu à l'encontre de son côté entrepreneur et businessman du transhumanisme. Quand on est en train de vendre le transhumanisme, on peut difficilement l'analyser en même temps. Bien sûr. Alors, gravite aussi autour de la Singularity University des gens comme Craig Venter. Donc, Craig Venter, c'est un scientifique ayant grandement contribué au séquençage du génome humain et qui est devenu richissime à la suite de la revente de son entreprise. Il travaille actuellement sur la biologie de synthèse et a plus ou moins créé la première cellule vivante artificielle. Alors, je sais plus si c'était il y a quelques mois ou plus d'un an, mais Il y bon, a plus bref. d'un an, à mon avis. Il y a plus d'un an, ouais, bon, je suis plus. Enfin, le temps passe tellement vite. Ouais, non, ça, ouais, t'as raison. J'ai une citation de lui qui m'avait été retransmise lors de l'ICAL 2011. Donc l'ICAL, c'est une conférence européenne biannuelle sur la vie artificielle. Le problème, c'est que j'ai essayé de retrouver cette citation sur Internet, je l'ai pas retrouvée, donc j'espère qu'elle est véridique. Mais je pense que dans tous les cas, elle résume assez bien le personnage. Enfin, si jamais la citation a été inventée, le fait qu'on lui ait inventé cette citation est aussi un petit peu caractéristique. Donc je vous la fais en anglais. C'est une journaliste qui lui pose une question, puis je vous traduis en français. Donc en anglais, donc la journaliste, Mr. Ventus, don't you think you are playing God, modifying life like this? Who said we are playing? Je la refais en français. Monsieur Ventus, vous pensez pas que vous êtes en train de jouer à Dieu en modifiant la vie comme ça? Mais qui a dit qu'on était en train de jouer? Donc c'est un petit peu, c'est un peu mégalo. Mais bon, Venters reste quelqu'un de... c'est un businessman, non, mais c'est quand même quelqu'un de très intéressant qui a grandement contribué au développement de son domaine. J'ai rien contre lui, de même, j'ai rien contre Google, au contraire, j'ai plutôt de la sympathie pour eux. Mais l'association Google, Venters, Kurzweil, plus la NASA, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils font partie des gens qui financent la Singularity University, donne un sentiment un peu mitigé à l'ensemble. On sent pointe quelque chose d'assez médiatique, mégalo, très business, voilà, assez commercial aussi. Il existe au moins une autre association transhumaniste dans laquelle est aussi impliqué Kurzweil, c'est le Singularity Institute. Il me semble que c'est un petit peu dans la même lignée que la Singularity University, d'après ce que j'ai lu. Oui, pareil, j'ai pas de détails très très intéressants, très croustillants à vous donner dessus. Je pense que j'ai terminé mon petit tour des institutions de l'historique du transhumanisme. D'accord. Et je vais essayer de passer du coup aux avancées techniques qui caractériseraient le post-humain que sont en train d'inventer, de proposer les transhumanistes. Ok, ouais, histoire qu'on puisse se représenter un peu, un Ouais. peu la chose. D'accord? Alors. Et puis, histoire aussi de rentrer un petit peu plus, de s'approcher un petit peu plus, des sciences, pour le coup. Généralement, oh, une petite seconde. Généralement, l'élément avancé est l'espoir dans les technologies convergentes, c'est-à-dire le développement conjoint des nanotechnologies, des biotechnologies et de l'informatique pour changer le monde. Les meilleurs exemples, et les exemples les plus concrets se retrouvent, à mon sens, actuellement dans le traitement du handicap. Je pense par exemple à Oscar Pistorius, donc c'est cet athlète en perdu ses deux jambes et qui court à peu près aussi vite que les athlètes valides, enfin que les champions d'ailleurs, enfin il est pas très loin des recordmen du monde, etc., même s'il les dépasse pas. Difficile de dire dans son cas si ses jambes artificielles lui apportent un avantage ou le handicap dans sa course. Anyway, enfin dans tous les cas, faut pas sous-estimer la performance physique. Enfin, n'importe quel amputé des deux jambes n'arrivera pas à avoir les performances de Pictorius. Mais c'est sûr que ces prothèses vont, enfin les prothèses de ce genre vont tôt ou tard s'améliorer et tôt ou tard permettre à des donner un avantage à des personnes invalides par rapport à des personnes valides. Donc on peut considérer que c'est un petit peu ça le post-humain, c'est des humains augmentés. Mais d'un autre côté, les sportifs eux-mêmes, quand ils se dopent par exemple, ou je crois qu'il y avait eu une polémique récemment, récemment c'est peut-être il y a 2 3 ans, sur des nageuses qui utilisaient des combinaisons qui les faisaient, qui boostaient leur rapidité en réduisant la résistance à l'eau et qui faisaient qu'elles gagnaient toutes les compétitions, combinaisons qui ont fini par être interdites, ou même on peut penser à des cyclistes dont les vélos vont être particulièrement légers, etc. Tout ça consiste aussi quelque part à augmenter l'homme. Voilà. Je reviens un petit peu sur le handicap. Ouais, je crois qu'on a Nico a une question. Oui, Ouais, vas-y. j'ai une question parce que les exemples que tu donnes là justement sont extrêmement intéressants parce que les deux sont très différents. Il y en a un où on va mettre une prothèse, donc on va remplacer un membre, bon, qui dans le cas du handicap était peut-être pas là, alors que dans le cas de la combinaison, c'est une sorte d'exosquelette, c'est quelque chose qu'on rajoute par-dessus. Et les deux sont considérés comme du transhumanisme parce que du coup, on fait pas de modification biologique, on modifie rien du tout en fait dans le deuxième cas. On met juste une combinaison, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Alors je vois exactement ce que tu veux dire. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Les deux entrent dans le cadre pour moi, entrent dans le cadre du transhumanisme. Enfin, quand on fait entrer des choses comme la modification du langage dans le transhumanisme, en tout cas dans ses origines, je pense que enfin, une combinaison peut aussi entrer dedans. Et la limite entre l'extension humaine et l'implant peut être relativement floue. On peut penser, je sais pas, à des appareils dentaires qui vont s'enlever, etc. Alors, d'ailleurs, les prothèses aussi, les prothèses de jambes aussi s'enlèvent. C'est pas des prothèses qu'il a en permanence, c'est des prothèses prothèses qui changent et qui sont spécialisées pour la course. C'est pas des jambes qui lui permettent de marcher dans la vie de tous les jours. Non, mais je suis d'accord. Enfin, il y a vraiment. Enfin, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes objets. Les drogues sont aussi un bon exemple parce que c'est quelque chose qui est. Enfin, les drogues. Je parlais du dopage là. Enfin, même si les drogues pourraient aussi rentrer dans l'exemple en question. Donc, c'est quelque chose qui modifie vraiment l'humain, mais en même temps qui est très c'est un objet technologique, mais qui est très externe, qu'on a l'impression de consommer qui n'a un effet que temporaire. Mais pourtant, c'est quelque chose là qu'on retrouve aussi assez présent dans l'imagerie transhumaniste. Les smart drugs, ce genre de choses sont quelque chose qui va attirer ce genre de personnes. Alors, je continue sur le handicap en parlant très rapidement de l'Artificial Retina Project, qui permet de rendre la vue à certains aveugles. C'est une espèce d'œil artificiel qui cumule un implant au niveau des connexions nerveuses et une caméra branchée sur des lunettes de soleil, enfin pas des vraies lunettes de soleil, des genres de lunettes de soleil, enfin des lunettes noires quoi, avec une caméra branchée dessus, et qui offre déjà une vision en noir et blanc avec une définition, je crois que c'est environ 200 pixels sur 200 sur les derniers modèles. Donc c'est quelque chose qui est très expérimental, je crois qu'il y a une quarantaine de personnes en test, mais ça permet de rendre partiellement la vue à certains aveugles. Et pareil, nul doute aussi que le développement de ce genre de dispositif pourra à terme permettre à des aveugles de voir à des distances supérieures, de voir mieux que des gens, des voyants. Enfin, d'ailleurs, les aveugles ne seront plus aveugles dans ce cas-là, mais bref. Donc voilà, pareil, c'est un exemple d'une augmentation qui part du traitement du handicap. Ouais. J'aborde maintenant J'ai maintenant abordé des projets plus ambitieux, plus dans l'image, enfin, c'est pas vraiment plus ambitieux, plus mégalo, on va dire. Un petit peu plus mégalo et un petit peu plus, ouais, voilà, plus spectaculaire, un petit peu plus dans l'imagerie classique du transhumanisme. À un tout autre niveau, on peut aborder un petit peu la cybernétique, que l'on retrouve donc pas mal dans ce mouvement. Enfin, tout autre niveau, non, enfin, c'est pas si loin que ça du traitement du handicap. Il y a donc les travaux de Kevin Warwick. Je prononce correctement, Alan? Alors c'est un faux ami, ça se prononce Warwick. Warwick, Kevin Warwick. Warwick, désolé. Ça s'écrit Warwick, effectivement. Ouais. Alors Kevin Warwick, pardon, qui travaille sur la connexion du système nerveux humain à des machines. Si je me trompe pas, il a commencé par s'implanter une simple puce qui permettait de localiser et donc d'effectuer dans son laboratoire quelques interactions sympas, mais pas franchement extraordinaire, du genre il passe, la lumière s'allume sur son passage, les portes s'ouvrent sur son passage. Mais par la suite, il a réalisé des choses beaucoup plus spectaculaires. Par exemple, après avoir implanté une grille d'électrode dans un nerf de son bras, il pouvait commander à distance son propre bras via un ordinateur. Il a aussi effectué l'opération inverse, c'est-à-dire à partir d'une électrode mise sur le nerf de son bras, commander à distance un modèle virtuel, un avatar de son bras. Il a aussi effectué ce qu'il appelle une connexion sensorielle avec sa femme, qui s'était implantée une grille d'électrode similaire, et le monsieur promet que ses recherches pourront déboucher sur une sorte de communication ressemblant à la télépathie par ce procédé en 2015, donc demain. Après, on peut citer aussi les très nombreuses recherches autour du vieillissement, comme par exemple les travaux très contestés d'Aubrey de Grey, qui identifient 7 causes du vieillissement et qui considèrent qu'on est relativement proche de les inverser. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne maîtrise pas. En plus, on n'a pas trop le temps. L'arsenal de solutions envisagées par les transhumanistes, on retrouve aussi des modifications génétiques sur l'embryon, par exemple, pour prévenir une maladie génétique. Pour revenir sur les nanotechnologies, on retrouve aussi l'idée d'un assembleur moléculaire capable de construire de la matière atome par atome, voire aussi capable de s'autorépliquer, encore une fois l'autoréplication. On imagine que de telles machines auraient de multiples utilités potentielles, y compris dans le domaine de la médecine, donc augmentation de la vie. Il y a aussi la crainte au niveau de ces machines, c'est la crainte de ce qu'on appelle, je crois, c'est le grey goo. C'est l'idée que des nanoréplicateurs deviendraient complètement incontrôlés et commenceraient à manger, entre guillemets, toute la matière pour se répliquer indéfiniment et transformerait la Terre en une espèce de marée grise de machines autorépliquantes. Voilà. On trouve aussi des idées beaucoup plus fantasques, telles que la cryogénisation, dont un détracteur expliquait que si ressusciter une personne cryogénisée n'était pas impossible, la difficulté serait comparable à la reconstitution d'une vache à partir d'un hamburger. J'aime bien la métaphore, c'est Euh, parlant, c'est oui, efficace. non, c'est assez parlant. Enfin, le gros problème de la cryogénisation, c'est entre autres qu'elle est destructrice, au niveau du cerveau. Les vagues espoirs de la cryogénisation ne tourneraient pas autour d'essayer de ressusciter physiquement la personne dans son corps. Ce serait plutôt essayer de récupérer sa configuration neurale à partir de ce qui restera du cadavre et de la recharger dans quelque chose d'autre pour la restaurer. Et même ça, c'est loin d'être dit que dans les plus grand fantasme, enfin si, dans les plus grands fantasmes des cryogénistes, je sais pas comment on dit, des Des cryogénistes, congélateurs, ça doit allez. être possible, mais dans la vraie vie, c'est loin d'être dit que même avec une technologie hyper avancée, ce soit possible. Enfin, il y a ce qui peut ressembler au rêve ultime, la question de l'uploading. Alors, l'uploading, c'est l'idée qu'on pourra un jour uploader l'esprit humain dans une machine. C'est en quelque sorte la dématérialisation totale de l'essence de notre être, se transformer en pure information. On est très loin de pouvoir réaliser cet uploading, mais on arrive déjà, par exemple, à connecter une mémoire électronique à un cerveau de souris. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça apporte à la souris, si elle est capable de réellement utiliser cette mémoire, mais il y a des travaux qui sont faits dans ce sens, et certaines personnes envisagent d'utiliser ce genre de technique pour soigner la maladie d'Alzheimer à terme. Bon, je pense qu'on en est très loin, mais bon, c'est pareil. Enfin, l'uploading, vraiment fantasme, transhumanisme par excellence. Pour terminer un petit peu sur ces réalisations techniques et pour revenir sur Terre, on notera aussi que les projets mis en valeur sur les sites de Humanity Plus ou de la Singularity University tournent autour de l'empowerment. Alors, l'empowerment, c'est la notion de donner à tout un chacun les moyens de se sortir de s'améliorer, de se sortir d'une situation négative. C'est un petit peu l'idée que au niveau du développement des pays en voie de développement, justement, il faut plutôt donner à leur population les moyens de s'en sortir par eux-mêmes, de prendre des initiatives eux-mêmes, que les assister directement, ce qui est moins utile. Et l'empowerment tourne aussi pas mal autour des notions de Fab Lab, par exemple. Donc les Fab Labs, c'est une espèce d'atelier où on met à disposition du grand public des machines de production industrielle, etc. C'est un petit peu donner de grands moyens à l'individu et lui donner des moyens de trouver de la force par lui-même. Je trouve que c'est un peu bizarre ce que je dis. Bref, je sais pas si c'est compréhensible. Je continue quand même. Vas-y, vas-y, continue. La Singularity University propose des projets qui tournent un petit peu, et Humanity Plus propose des projets qui tournent, enfin finance en fait des projets qui tournent autour de l'empowerment. Par exemple, on trouve aussi des plans de RepRap. Donc la RepRap, c'est cette imprimante 3D autoréplicatrice dans le sens où elle est capable d'imprimer 70% des matériaux qui la constituent, qui est une imprimante très bon marché aussi. Donc ça, on en trouve les plans sur Humanity Plus. Enfin, ça coûte leur coûte pas grand-chose, mais dans l'esprit, ça veut dire qu'ils sont proches de ce genre de mouvement. Et on trouve aussi sur Humanity Plus et le site de la Singularity University des projets qui tournent autour du développement durable, de l'humanitaire, enfin bref, des choses très consensuelles, grand public, etc. J'oublie surtout une multitude d'autres technologies potentielles permettant d'augmenter l'être humain, mais je vais m'arrêter là. Passer à la suite du dossier et essayer d'analyser un petit peu ce que je vous ai présenté précédemment. Une des thématiques qui revient très fréquemment est la création de quelque chose d'autonome capable de se répliquer et de s'améliorer, un autoréplicateur. C'est là qu'on retrouve des thématiques assez proches de la vie artificielle et des recherches en intelligence artificielle. J'en profite au passage d'ailleurs pour faire le lien avec le précédent dossier de podcast science, et dire un mot sur ce que Suzanne Pell des thèmes. Alors les thèmes, ce sont donc des créatures technologiques autoréplicatrices évoluant par sélection naturelle. Donc en gros, ce serait des mèmes, pour faire le lien avec le dossier précédent, mais qui se seraient complètement dissociés de l'être humain, qui auraient plus du tout besoin de l'être humain dans leur cycle de réplication. Pratiquement parlant, les nanorobots autoréplicateurs des transhumanistes, ça pourrait être des thèmes. Les intelligences artificielles autoréplicatrices qui aboutiraient à la singularité, pareil. Le rêve de John von Neumann, pareil. Donc, même si le terme thème est extrêmement peu usité, enfin, je pense qu'à part Susan Blackmore et moi, là, maintenant, il y a à peu près personne qui l'utilise. Je trouve que c'est un terme qui recoupe un certain nombre d'idées qui sont justement très populaires dans les transhumanistes. Pour rester un petit peu d'ailleurs dans le domaine de la sélection naturelle et des mèmes du dossier précédent, les mèmes font aussi partie des thématiques que l'on retrouve mentionnées dans le transhumanisme. Il y a derrière l'idée que comprendre le fonctionnement des mèmes pourrait expliquer nos pensées et donc nous permettre de nous améliorer. C'est pas très très loin de la sémantique générale dont je vous parlais tout à l'heure. Bien évidemment, on retrouve une multitude d'autres thématiques dont j'ai déjà parlé, telles que la convergence homme-machine, l'immortalité, etc. On peut aussi se demander, c'est un petit peu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, si on n'est pas déjà des hommes augmentés. L'homme est caractérisé par l'utilisation de l'outil. En quoi est-ce qu'un aveugle avec des yeux bioniques serait plus transhumain qu'un homme normal avec une paire de jumelles ? C'est vrai, c'est une excellente question, quoi. Où est-ce qu'on place la limite ? Où est-ce qu'on place le curseur ? C'est une question que posait Barberousse d'ailleurs à un moment dans les commentaires. Il disait finalement, à partir du moment où on porte une prothèse, est-ce qu'on n'est pas déjà... Je pense que les transhumanistes généralement placent la limite entre. Alors c'est pas une question de nature, c'est pas une question genre quand c'est un implant, quand ce n'est pas un implant, mais c'est plus une question de est-ce que ça va vous permettre d'être mieux, d'être plus efficace, plus intelligent que la moyenne, d'avoir une espérance de vie plus élevée, d'être en meilleure santé que la moyenne des êtres humains. Ou est-ce que ça va juste combler un handicap ? Je pense que quand ça se contente de combler un handicap, pour eux, ça ne crée pas vraiment un post-humain ou un transhumain, mais dès qu'on crée quelque chose de mieux que l'homme original, on est vraiment dans le post-humanisme. Mais bon, la limite est quand même franchement floue. Et à mon sens, il y a on peut citer d'autres exemples. L'imprimerie, par exemple, a aussi durablement changé l'homme. Il semble que la pratique d'Internet modifie grandement notre capacité à lire linéairement. C'est-à-dire qu'il paraît qu'on n'est plus capable de lire linéairement. Donc là, on peut pas dire que c'est un avantage ou un inconvénient. Généralement, les gens qui parlent de ça disent que c'est plutôt un inconvénient. Mais pareil, c'est un exemple de technologie qui a grandement changé notre façon d'être humain. Pour revenir un petit peu, sur l'exemple des paires de jumelles et de la modification physique. Si jamais on prend l'exemple de la modification physique et qu'on admet que c'est ça qui nous rend transhumains, donc les personnes qui ont des pacemakers, c'est un peu l'idée dont on parlait tout à l'heure, Barberousse disait toute personne ayant une prothèse donc sont forcément des transhumains, et même des personnes tatouées deviennent des transhumains, c'est aussi une modification physique. Après, leur graduation par faire des choses au-dessus, mieux que la moyenne des humains, est une gradation intéressante, mais là encore, c'est souvent subjectif, quand est-ce que c'est mieux, à certains niveaux, c'est relativement simple à évaluer, par exemple, quand quelqu'un arrive à voir deux fois plus loin que quelqu'un d'autre, bon, on peut dire que c'est mieux, mais il y a tout un tas d'autres niveaux où c'est du qualitatif, et... Pour moi, il me semble qu'il y a plutôt une différence de degré entre le marteau et l'implant qui nous rend télépathes de, je vais mal le prononcer encore, Warwick, désolé. Il y a plus une différence de degré entre le marteau et l'implant qui nous rend télépathes qu'une différence de nature. La question de la différence de nature n'arrive à mon sens qu'avec les modifications génétiques ou l'uploading, mais pour le moment, ça semble être des horizons assez c'est lointain. On n'est pas encore prêt de s'uploader massivement, pas massivement, de s'uploader tout court. Après, le fait qu'on ait affaire à une différence de degré et que l'on soit dans un processus largement entamé n'empêche pas de réfléchir aux conséquences de ces changements. À mon sens, le transhumanisme, c'est essentiellement de la prospective technologique et des réflexions sur les conséquences de ces technologies futures. Le tout accompagné d'un regard relativement, enfin globalement optimiste, voire très optimiste, sur ces technologies. C'est aussi un mouvement très tourné vers la liberté individuelle. Il n'est pas question d'imposer, mais de proposer ce changement. Initialement, c'est quelque chose qui tient quasiment d'une quête personnelle. On retrouve un petit peu l'influence hippie et l'influence libertarienne. Et on retrouve un petit peu ça aussi dans le côté livre de régime, manuel de développement personnel du livre de Ray Kurzweil. Tu disais quelque chose, non? Non, non, j'acquiesçais simplement. Désolé, j'entends mal parfois, je suis désolé. Donc on retrouve un petit peu ça ouais, dans le livre de Kurzweil ou dans le côté auto-expérimentation de Warwick, c'est comme ça qu'on dit. Warwick. mais on retrouve aussi cela dans la notion d'empowerment dont je parlais tout à l'heure et que je ne vais pas réessayer de définir parce que ouais, d'autant plus que l'heure tourne. Il faut je suis désolé. D'avancer. Ah oui, zut. Ok, j'accélère un petit peu. Donc, c'est aussi cet aspect très libertarien qui éloigne, à mon sens, le projet transhumaniste des dystopies, des utopies négatives totalitaires que sont 1984 d'Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. À titre purement informatif, d'ailleurs, Huxley était un proche de Leary, de Timothy Leary, le prophète du LSD, et c'était aussi le frère du créateur du mot transhumanisme. Il a un peu plus tard écrit un roman, Lille, que j'ai pas lu, pour présenter une utopie technologique positive, ce qui prouve qu'il avait des sentiments un petit peu mitigés là-dessus. Donc, le libertarianisme, l'individualisme du transhumanisme l'éloigne un petit peu des totalitarismes que sont le 1984 et, dans une moindre mesure, Le meilleur des mondes. Il me semble aussi que la structuration du mouvement en organisation à partir de la fin des années 90 marque une étape importante. C'est le passage d'un mouvement culturel individualiste, donc, à quelque chose d'un petit peu plus politique, porteur d'une idéologie, ce qui entraîne donc ces réflexions de nature éthique, par exemple, ce qui entraîne un petit peu de l'autre côté, du côté Ray Kurzweil, etc., la volonté d'être capable de faire du lobbying. Il me semble aussi que le petit succès politique du transhumanisme répond à un relatif vide idéologique actuel. La lutte entre les pays communistes et le monde libéral-capitaliste semble actuellement dépassé, et ce qu'il reste de ces deux idéologies ne fait plus rêver, l'extrémisme relié en force, sans doute pour cette même raison, mais l'influence des religions sur la société décroît, au moins en Occident, et chez les personnes ayant effectué des études longues, et de mon point de vue, c'est une bonne chose que cette influence décroisse. Le post-humanisme fournit une idéologie pour laquelle on peut envisager militer. On retrouve d'ailleurs fréquemment des encouragements au prosélytisme, similaire au prosélytisme religieux, sur les sites transhumanistes. C'est aussi une idéologie potentiellement porteuse d'espoir. Espoir politique, dans le sens où on aperçoit un projet politique centré sur le développement de la technique, et espoir qui remplace l'immortalité vendue par les grandes religions, puisque le transhumanisme laisse entreapercevoir mieux une immortalité atteignable dans notre monde réel matériel. Par ailleurs, à mon sens, son antithèse existe aussi dans l'idéologie des mouvements décroissants. Attention, je ne dis pas que le post-humanisme, c'est la croissance et la consommation, mais penser que la croissance ne soit pas un indicateur de progrès viable n'est pas non plus une idée du mouvement décroissant. Par contre, une spécificité à mon sens caractéristique du mouvement décroissant, c'est une forte hostilité à la technique. À noter encore que quand je parle de décroissance, je ne parle pas de développement durable, d'écologie ou même de certaines formes de simplicité volontaire. Tout cela est tout autant compatible avec le post-humanisme qu'avec la décroissance, ou presque. J'oppose un mouvement, donc le post-humanisme ou le transhumanisme, qui cherche le développement et le progrès humain par la technique, et un autre mouvement qui cherche à imaginer un développement humain aussi, sans cette technique. Ce qui est assez ironique, c'est que ces deux mouvements ont tous deux une filiation idéologique, enfin, pas forcément idéologique, mais en tout cas une filiation avec le mouvement hippie des années 70. Filiation évidemment idéologique pour les transhumanistes avec la partie la plus technophile des hippies, et filiation au minimum au niveau de l'image pour les décroissants. Vous l'aurez compris, présenté comme ça, je me place plutôt du côté des trans que du côté des décroissants. Néanmoins, ce rêve d'immortalité qui caractérise aussi le transhumanisme pose de sérieux problèmes, dont le plus évident est la surpopulation. On peut imaginer ce problème résolu par un uploading massif, mais c'est pas forcément ni possible ni satisfaisant. Un contre-argument que j'ai fréquemment vu avancer par les transhumanistes, mais qui me semble assez naïf, est la faible natalité des pays où l'espérance de vie est haute. Ça semble naïf et pas suffisant. Enfin, de toute façon, enfin, si on arrive vraiment à supprimer, enfin, à avoir une espérance de vie potentiellement, enfin, pas infinie, mais vraiment, vraiment très élevée, enfin, quelques naissances suffisent pour arriver tôt ou tard à la surpopulation. À la rigueur, l'option conquête spatiale me semble être un contre-argument plus réaliste, mais là encore, un tel projet pourrait difficilement se réaliser avant que le problème de la surpopulation se pose. Le transhumanisme propose aussi, j'ai l'impression, mais ce n'est pas vraiment propre au transhumanisme, une vision la science très utilitariste. La science n'est plus une pure recherche de la connaissance, mais un moyen de réaliser une innovation technique qui préexiste virtuellement dans l'imaginaire. De même, la question de l'accès équitable de ces technologies en devenir à l'ensemble de la population se pose. Il est heureux que les associations transhumanistes posent cette question. Il est davantage inquiétant qu'elles ne proposent pas de mécanisme permettant de s'assurer de cette équité à l'heure actuelle. À mon sens, le risque est beaucoup plus là que du côté des utopies négatives totalitaires. Pour terminer, pour conclure, je suis désolé d'avoir été aussi long. On oppose souvent au transhumanisme que la vie immortelle perdrait de son charme, sa beauté, deviendrait ennuyeuse. Pourtant, perso, je peux difficilement imaginer quelque chose de plus charmant, de plus enthousiasmant que d'avoir le temps d'explorer tous les aspects de la culture, de voir progresser les connaissances humaines, de partir découvrir l'univers. Et si après avoir occupé quelques milliers d'années, on s'ennuie, il sera toujours temps de mourir. Voilà, ce sera. Ok, écoute, effectivement, ton dossier a duré un peu plus longtemps que prévu. Bon, merci, hein, en passant, c'était vraiment passionnant. On n'a effectivement plus beaucoup de temps pour un débat. Je propose qu'on inaugure la singularité de Podcast Science en faisant exceptionnellement gicler la quote, histoire qu'on puisse Désolé. parler un tout petit peu plus longtemps. Il nous reste exactement 2 minutes avant que Nico nous fasse son pitch et qu'on conclue. Nico, je crois que tu avais quelque chose à dire sur le transhumanisme. Oui, globalement, c'est que je trouvais que la définition, on en a parlé un peu dans les commentaires, différait pas tellement de la définition d'un objet, si ce n'est sur ce rêve d'immortalité dont tu parlais. Alors, Franck me donnait des contre-exemples, hein, avec le soldat amélioré qui est pas trop dans le rêve d'immortalité, mais voilà, je vois pas trop bien la différence entre le transhumanisme et la définition qu'on a d'un objet qui est aussi d'améliorer la condition d'humain. La différence entre le transhumanisme et Et la notion n'importe quel d'outil, hein, je voulais dire, d'outil. et la notion d'outil, Ouais. bah, je pense que tu l'as dit, c'est très proche en fait, on ne sait Pour pas très moi, bien c'est où placer proche, le oui. curseur. Pour moi, c'est assez proche, mais bon, un outil n'est pas une. Enfin, ce serait une idéologie de l'outil. Moi, je dirais une idéologie de la technique, mais c'est-à-dire qu'un outil, c'est un outil, tandis que le transhumanisme, c'est une idéologie. Oui, c'est Donc, l'idée autour, oui. Ok. Bon, moi je vais vite lâcher quelques considérations aussi, mais malheureusement on n'aura pas de quoi faire un débat, mais c'est pas grave, ma foi, tu reviendras, on en reparlera une autre fois. Moi il y a un truc qui me dérange profondément avec cette notion, cette approche du transhumanisme, c'est que j'ai l'impression que sous-jacent à tout ça, dans cette idéologie, il y a l'idée que l'évolution doit se traduire par du progrès, que l'évolution doit être dirigée, et qu'il s'agit plus d'être adapté à son environnement, mais qu'il s'agit d'un dépassement, d'une sophistication, d'une complexification. Bref, quand on commence à mélanger évolution, progrès, élitisme, eugénisme, fatalement ça vient avec, ben moi ça me fait peur, quoi. Et je vois les dérives potentielles Alors, qui risquent de sauter aux yeux. Mais et justement, t'auras pas le temps de ouais, répondre désolé. parce que ouais, on a juste le temps de faire le minute pitch de Nico qui est venu pour ça. Et puis ma foi, on en reparlera une autre fois. Nico, la parole est à toi. Alors, dans l'Antiquité, Zénon d'Élée affirma que ce genre de teasing ne pouvait pas finir. En effet, il expliquait que pour que ce genre de teasing finisse, il fallait passer par le milieu du teasing, c'est-à-dire 30 secondes, puis passer par la moitié qui reste. 45 secondes, puis la moitié qui reste, puis la moitié qui reste, et ceci une infinité de fois. Et il expliquait qu'on ne pouvait pas faire assez par une infinité de moments en un temps fini. Bah pourtant, la semaine prochaine, ce que je vais essayer de faire, c'est justement de vous parler de l'infini en un temps fini, une heure de podcast, voire même parler de plusieurs infinis, et qui sait, peut-être même une infinité d'infinis. Et enfin, on répondra à une question, j'oserais dire existentielle du podcast, à savoir, est-ce qu'on pourrait, avec une infime épisode de Post-4 Science, parler de tous les sujets? Voilà. Du coup, je dois être bien en Waouh. dessous. Magnifique. Excellent. Bah écoute, c'est très bien d'ailleurs que tu aies fini en dessous. Comme ça nous laisse 10 secondes pour nous dire au revoir. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, justement pour parler d'infini. Et puis peut-être qu'on reviendra un petit peu sur ces questions de transhumanisme. Allez, merci à tout le monde. Ciao, bonne semaine. J'ai pas pensé à désactiver le générique. Alors, s'il y a encore du monde sur NewWiz qui nous écoute, on a décidé de faire des afters. On Mais quelqu'un s'est. a le lien Mais oui, il y a quelqu'un, il y a de la quelqu'un. nouvelle émission? Alors, vous êtes dedans, hein? Allô, allô? Ah, Ouais. oui. Bon, on fait dans Désolé. le super Ah ben c'est bon, il y a au expérimental. moins, il y a au moins Franck qui est sur les commentaires. Ok, magnifique. Alors, on fait un after spécial Franck. Ouais, tout à fait. Désolé de la coupure un peu abrupte. On n'a pas très bien géré le temps. Et puis, C'est de ma faute, mea culpa. Je voilà. pensais durer juste une demi-heure, en fait, et j'ai été largement au-dessus. Ouais, bah, t'as fait quoi? 58 bonnes minutes, effectivement. Ça nous a pas laissé des masses de temps pour le reste. Mais c'est pas grave, ma foi, c'était passionnant. Ah, Franck nous dit que tout le monde est là, il n'y a pas que lui. Bon, bah, magnifique. Par contre, je me suis un petit peu planté en créant l'émission. D'abord, j'ai laissé le générique par défaut. Alors, j'ai dû l'interrompre en cours de route. Et puis, j'ai laissé la durée par défaut aussi, qui est d'un quart d'heure. Alors, je vais essayer cette fois de la modifier avant qu'on se fasse éjecter. Ah, voilà, Hélène est avec nous. Puis on est tous là. Ok, bon. Parfait. Ben, si on arrive à se détendre un peu, prendre un petit peu plus de temps, David, est-ce que tu avais un commentaire à faire par rapport à, enfin une réponse quoi, par rapport à mon commentaire? Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est une croyance qu'il y a un progrès objectif qui existe et que c'est pas du tout quelque chose d'évident. Le fait que qu'on soit dans une logique de progrès, enfin pour faire un petit peu de la niveau étude en ce moment de philosophie des sciences, le consensus irait même plutôt vers le relativisme et vers le fait que il n'y a pas vraiment de progrès objectif. Donc c'est très valable. Et alors pour ce qui est de la peur totalitaire, je dirais que les transhumanistes rêvent d'outils toutes les raisons de faire rêver un régime totalitaire. Mais je pense qu'ils ne rêvent pas ces outils du tout dans un objectif totalitaire, eux. D'accord, ok. Je pense que Bon. le fait qu'ils soient inspirés par le libertarianisme, à la limite parfois de l'anarchisme, fait que ils n'ont pas de volonté d'eugénisme, par exemple. Mais par contre, ils ont des volontés qui peuvent sembler aussi limites qu'on puisse, entre guillemets, quasiment créer ses enfants à la carte. Ok. Bon, moi, je m'interroge aussi sur la notion de totalitarisme, de contre-utopie dans ce contexte. C'est vrai que quand on parle des dystopies totalitaires, on pense à Huxley, à Orwell, mais c'est vrai que leurs histoires ont été conçues dans un contexte culturel et politique précis quand même. C'était l'époque des montées des fascismes en Europe. On avait justement ces craintes de la toute-puissance d'État totalitaire. Moi, je me demande si Orwell et Huxley avaient vécu aujourd'hui, s'ils avaient écrit leur dystopie aujourd'hui dans un contexte néolibéral, quoi, où finalement c'est les marchés détenus par quelques multinationales qui font la pluie et le beau temps et plus forcément les États. Est-ce que ces dystopies ne seraient pas un peu différentes? Je me pose la question quand j'entends que Google est impliqué dans ce type de projet, alors que les États manifestement s'en désengagent. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit vraiment rassurant de ce point de vue-là. Est-ce que les nouvelles dictatures demain, elles seront pas de cet ordre-là? Si, peut-être. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est présent dans l'imaginaire cyberpunk, c'est-à-dire que dans l'imaginaire cyberpunk, il y a souvent plus vraiment d'État, mais il y a des corporations toutes puissantes qui essayent de tout contrôler. Et c'est vrai aussi qu'il y a un petit peu, je crois avoir lu que c'était du côté de l'Extropy Institute, que sur la mailing list, il y avait des idées qui tournaient autour du fait que, qui circulaient, qui tournaient autour du fait que ne plus avoir d'État, mais avoir le marché qui gouverne tout et donc de réserver ça à une élite financière. Donc l'Extropy Institute, c'est sans doute c'est un truc qui a disparu et c'est sans doute dans les mouvements les plus extrêmes. Mais eux avaient cette idée qui rejoint un petit peu ce que tu dis et qui fait très peur, que le marché pouvait tout gouverner, que l'argent pouvait tout gouverner et qu'en fait la toute puissance de corporation était plutôt un élément positif parce que les corporations s'intéressaient n'avaient pas d'intérêt pratique à ce qu'il y ait des guerres. Donc, elles étaient du côté des humains, tandis que les États pouvaient avoir des intérêts pratiques à piquer le territoire du voisin, etc. Ce qui semble être une idéologie à la fois naïve et en effet très anarcho-capitaliste et qui peut un petit peu faire peur. Mais je pense que c'est pas que ça, et enfin moi c'est pas cette partie-là qui me semble la plus attirante, bien sûr. Ok. Moi, il y a d'autres questions que je me posais quand on parle du téléchargement aussi. Bon, déjà, il y a la question un peu d'ordre pratique, quoi. Je sais pas, admettons que j'uploade ma conscience sur les serveurs de Google au hasard. Ce sera quoi le business model? Est-ce que je vais subir de la pub pour l'éternité? Ou bien est-ce que je devrais payer pour mon hébergement? Puis qu'est-ce qui se passe si je paye pas? On va effacer ma mémoire si je paye pas la facture. Enfin, tu vois, même la définition du business et à revoir la définition de la mort aussi. Est-ce que dans cette ère-là, on sera mort quand on aura tiré la prise, bêtement? Et puis, une question toute bête, une fois qu'on sera tous uploadés, qui c'est qui va maintenir les serveurs? Bonne question, des machines, Matrix. Pour revenir un petit peu juste sur l'uploading avec une petite anecdote ou un petit problème rigolo, enfin pas forcément rigolo, c'est l'uploading pose. En grosso modo, il y a deux manières d'uploader une personne. Soit on part du principe qu'on va découper son cerveau et donc qu'on va avoir besoin de le tuer avant, d'analyser très rapidement son cerveau et d'uploader après le résultat. C'est pas forcément un truc qui fait super envie. Soit on part du principe qu'on va être capable de scanner le contenu d'une personne vivante. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va créer des duplicata de cette personne et donc qu'elle va se retrouver en plusieurs entités en même temps, et ça pose des questionnements assez quasi philosophiques sur ce que c'est que l'identité, etc. Et oui, sinon il y a en effet si le post-humanisme est marchant, tous les problèmes que tu soulèves se posent et font peur. D'un autre côté, je pense que on peut imaginer un post-humanisme non marchand, c'est-à-dire que dans la définition de la World Transhumanist Association, il n'y a pas le fait que ça doit être des corporations, des entreprises qui doivent gouverner ça. Ça peut aussi être, grosso modo, le résultat d'un projet de recherche, ça peut être le résultat d'un projet politique. Et je pense que si le transhumanisme quitte le monde individualiste et le monde du business pour entrer dans le monde politique, ce qui n'est pas sûr, mais ce qui est peut-être en train de se faire. C'est un élément extrêmement positif dans le sens où ça veut dire qu'on ne va plus avoir ces innovations technologiques au service de certains individus, généralement qui ont l'argent pour ou qui sont particulièrement motivés, qui sont des hippies rêveurs, qui sont prêts à aller jusqu'au bout, mais qu'on va plutôt construire pour le coup un vrai projet de société, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, et que ça va devenir quelque chose dans l'intérêt collectif. Mais ça, c'est en cours, c'est loin d'être fait. Et c'est vrai que là, le spectre totalitaire pourrait apparaître. C'est-à-dire, à partir du moment où ça devient vraiment un projet politique, on peut imaginer aussi des projets politiques moins enviables qui vont ressembler, peut-être pas à 1984, mais qui vont ressembler au meilleur des mondes, par exemple. Ouais. Bon, y a autre chose que tu viens de dire qui a soulevé en moi une nouvelle question, c'est le moment du clonage, finalement. Quand est-ce que, en tant qu'individu physique, biologique, je vais être cloné pour être uploadé? Est-ce qu'il y aura un backup quotidien de ma conscience au cas où je me ferais écraser par un camion, ou bien voilà, ma Bonne. mémoire péricliterait demain matin? Puis effectivement, s'il y a plusieurs instances de cet avatar, elles vont évoluer séparément. Enfin, c'est des drôles de questions, quoi. C'est des trucs. Oui, c'est enfin on est dans la SF et dans le cyberpunk, mais c'est assez stimulant parce que c'est peut-être des questions bon, qui vont vraisemblablement pas se poser pour nous ni pour nos enfants, mais enfin à moins vraiment qu'on approche de la singularité dont rêve Rakerswell. Mais c'est des questions qui se poseront peut-être pour nos lointains descendants, et c'est pas bête de commencer à y réfléchir. Bon, d'après Aubrey de Break, de Grey, pardon, que tu citais tout à l'heure, le premier humain immortel est déjà né. Il s'agirait de quelqu'un. Ouais, enfin, on ne parle pas de Oui, dizaines oui, de oui. générations. S'il a vraiment trouvé un moyen, ça c'est encore autre chose. Pour Kurzweil aussi, mais c'est, enfin, Kurzweil déjà c'est pas vraiment un chercheur. Et généralement c'est des gens qui sont assez isolés dans leur domaine. Enfin, moi je rêverais de ça. Hein. J'aimerais bien qu'on soit, j'espère qu'on soit promis à une certaine immortalité. Après, objectivement, c'est loin d'être dit. Surtout que des choses comme la loi de Moore commencent à moins bien marcher au fur et à mesure où on se rapproche justement de taille où la physique classique ne fonctionne plus et on est obligé de fonctionner un petit peu autrement. Moi, un argument que j'aurais au niveau de la singularité, c'est cette accélération accélérée, on pourrait aussi considérer qu'elle est liée aussi à une. On vient de vivre une très forte période d'augmentation de la population humaine. Donc quelque part, plus d'humains, ça fait plus de gens qui réfléchissent, ça fait plus d'intelligence et ça fait plus de découvertes. Mais Oh, cette. ouais. Non mais enfin, ça. Enfin, il y a plus de cerveaux, il y a plus de gens qui réfléchissent, il y a peut-être plus de stimulation, plus de découvertes, mais ce plus d'humains, il ne va pas continuer indéfiniment. On est, si on monte, enfin, la Terre ne pourrait pas tenir, je pense, au-dessus de, je crois que les chiffres qui sont avancés, généralement, c'est 15 milliards, et encore 15 milliards, ça semble vraiment, vraiment énorme. Donc si Ouais, cette. encore, il y a 100 ans, on pensait qu'on dépasserait pas le milliard. Je pense que Oui, là, le c'est vrai, curseur peut-être. va encore bouger, quoi. Oui, c'est possible aussi. Mais Ouais. bon, c'est peut-être lié à ça, et si jamais c'est lié à ça, et si si on passe dans la dernière phase de la transition démographique et que des pays et que la taille de la population mondiale augmente de croître, ça voudra peut-être dire aussi la fin de cette accélération des découvertes. Yep. Est-ce que Hélène ou Nico, vous avez encore des questions? Presque, mais j'ai pas mes sources, parce que sur les histoires de se dire qu'au fur et à mesure on va réussir à tout représenter, il y a pas mal de choses qui existent justement sur est-ce que vraiment ça peut évoluer à l'infini et d'avoir cette singularité, du point de vue purement mathématique, hein, là c'est la tare qui revient. Mais là, en improvisation, ça va être un peu compliqué, mais je sais que c'est aussi des problèmes qui sont posés purement maintenant, sans se mettre des contraintes physiques typiquement. Et qui déjà pose problème en fait. Sais pas si je suis clair. Pose problème dans quel sens? Enfin, pose Bah, dans le problème. sens où ça. C'est-à-dire que si on se permet, je vais dire sans doute un peu des bêtises, mais si on se permet de se dire qu'on peut en effet faire tout ce dont tu parlais, aller jusqu'à la singularité, ça va autoriser par des raisonnements logiques d'autres choses qui sont complètement paradoxales, complètement absurdes. Donc juste que ces choses-là sont équivalentes à des choses qui sont pas raisonnables. Donc c'est là où. Mais du coup, il va falloir que je précise ça une prochaine fois ou dans un commentaire plus clairement, quoi. Ouais, Ah la oui, non. question est un peu trop intelligente pour moi, je crois. Je suis déjà plus, c'est trop conceptuel. Je sais pas, David, toi, tu as quelque chose à répondre? Non, ben je sais pas vraiment, mais ben, personnellement, je crois pas. Si on, oui, enfin, je pense que le fait que j'emploie le terme croire est aussi assez significatif en la singularité. Enfin, ça me semble quelque chose d'un petit peu fumeux. Néanmoins, je m'intéresse beaucoup à ces machines autoréplicatrices capables de s'auto-améliorer. Et ça, je pense que ça pourrait faire des choses, ça pourrait aboutir à des choses très intéressantes, c'est-à-dire que ça pourrait aboutir peut-être à une autre forme de vie. C'est peut-être pour ça que podcast, autre vie artificielle, une autre forme de vie artificielle pour le coup qui serait intéressant d'étudier, etc. Mais qui, à mon avis, évoluera aussi au rythme de la sélection naturelle, évoluera peut-être plus vite que nous, mais pas plus vite à des aux vitesses qu'espèrent les singularistes. Yep. Bon, sinon, moi, j'avais encore un commentaire qui est un peu lié à cette notion de scientisme. C'est toujours par rapport à l'upload. Hein. C'est vrai que c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. La première fois que j'ai entendu parler du concept, pendant 30 secondes, ça m'a séduit. Je me suis dit, ouais, comme toi, waouh, j'aurai le temps de lire tout ce qui a été écrit, tout ce que, voilà, tout ce que j'ai jamais le temps de lire. Avoir une éternité à disposition pour faire le tour de la culture humaine, c'est probablement pas suffisant. Mais l'idée est très séduisante. Et puis après, en y réfléchissant un peu, je me disais, mais non, d'une pipe, on part quand même du principe que, ok, le cerveau, c'est le siège des facultés mentales, c'est la terminaison de tout le système nerveux, donc probablement des émotions. Mais est-ce que débarrassé d'un corps physique, on peut encore raisonner de la même manière. Plus j'y pense, plus je suis convaincu que c'est pas le cas. Je pense que le fait qu'on ait faim, ou au contraire qu'on ait envie de vomir, ça a forcément une influence sur notre vision du monde, sur notre créativité. Et puis, on sait aussi que les équilibres entre le système nerveux sympathique et parasympathique ont une incidence folle, quoi, sur nos émotions, sur notre humeur. Est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de tout ça? Moi, j'ai du mal à croire qu'on arrive à modéliser à ce point-là la chimie qui se passe dans le cerveau pour répondre à des besoins. Je sais pas, une fois que t'étais uploadé sur ton serveur et puis que t'as des pensées érotiques, tu vas automatiquement recevoir ta dose de dopamine virtuelle. Enfin, tu vois, ça me paraît complètement invraisemblable, tout ça. Et j'ai l'impression que la vie sera bien triste dans ces conditions-là. J'acquiesce totalement sur le fait que ça semble absurde de penser qu'on puisse dissocier notre intellect du reste de notre corps. C'est d'ailleurs le postulat de la vie artificielle, justement, par opposé à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de créer des intelligences artificielles qui soient dissociées de tout, on part du principe qu'on ne peut pas abstraire l'intelligence, qu'on ne peut pas abstraire le mental, et que justement c'est tout un tout. Après, sur la question de l'uploading, moi, pour moi, enfin, c'est tellement de l'ordre de la SF, l'uploading, que, enfin, ça me semble pas être quelque chose de palpable, d'atteignable, et je pense que de toute façon, quand ce genre de technologies deviendront possibles, notre technologie aura déjà tellement changé, aura sans doute nous-mêmes tellement changé. Je veux dire, par exemple, ne serait-ce que, sans aller à l'uploading, ne serait-ce que la question des extensions mémoire pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est déjà, enfin, assez déstabilisant. C'est-à-dire qu'on imagine des gens qui vont progressivement se transformer en robots, dont la conscience, enfin, dont le cerveau va a priori continuer à dégénérer, vu que si jamais on compense Alzheimer par des prothèses, ça veut dire qu'on soigne pas réellement Alzheimer. Donc, qu'est-ce que ça va être que ces personnes qui vont progressivement se transformer en robots, qui vont déjà pour le coup être très différents des humains actuels, sûrement ne plus tout à fait penser de la même manière, ou peut-être que si, peut-être qu'on réussira à les connecter. Enfin, je pense que déjà ce genre de choses qui sont des étapes bien avant l'uploading vont déjà tellement modifier notre si elles arrivent, ce qui est loin d'être sûr, vont déjà tellement modifier notre perception de la réalité, notre perception de ce que c'est qu'être humain, que une fois que, enfin, penser l'uploading maintenant, ça me semble enthousiasmant, mais de l'ASF. C'est de la SF parce que tu vois l'uploading de façon biologique, entre guillemets, une extension de mémoire. Mais en fait, on a déjà une sorte d'extension de mémoire qui se passe quand on a toujours sur nous un smartphone qui nous permet d'aller consulter la mémoire Internet, en fait. C'est juste, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'exosquelette et de patch ou de prothèse, parce que en fait, il y a beaucoup de ces avancées de technologie, surtout du point de vue de l'augmentation de l'intelligence ou de la mémoire, qu'on commence déjà à avoir par ces objets qu'on a avec nous, en fait. Mmh. Oui, non, c'est vrai, et c'est vrai que ça change aussi, Enfin, c'est aussi l'exemple que je donnais au niveau d'Internet, de la lecture linéaire, non linéaire, ce genre de choses, ou même enfin, l'invention qui a le plus radicalement changé l'humanité, c'est l'invention de l'écriture, et pour le moment, on n'a rien trouvé qui soit comparable, je pense. Enfin, je pense que même ce qu'on vit actuellement est peanuts par rapport à l'invention de l'écriture et peut-être avant ça l'invention du langage. La découverte du feu un petit peu quand même. Peut-être. La découverte du feu aussi, mais Non, mais effectivement, son incidence sur la culture, c'est tout à fait différent. Je voudrais juste vous indiquer qu'on a dans la chatroom une discussion absolument passionnante. D'abord, on a Pierre Kerner, alias Topo, dans la chatroom. Bref, ça aide. Et puis, il a rebondi sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, attendez, voir, j'essaye d'escroller en même temps, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Il commençait toutes les sensations sont nerveuses. Voilà. Ensuite, il nous disait, du coup, théoriquement, tu peux véritablement simuler les impressions d'avoir un corps. C'est le concept développé dans Matrix. Alors là, effectivement, il me réconcilie avec la notion. C'est vrai que peut-être que j'arrive pas bien à imaginer le truc. Tu vois, moi, je vois des âmes qui errent comme ça dans des serveurs un peu égarés. C'est vrai que si ça a les couleurs et la réalité de Matrix, c'est différent. Je vois les choses différemment. Mais alors, c'est ce qu'il nous dit encore, qui est super intéressant, c'est qu'il y a un consortium qui essaye de faire ça avec un ver nématode. C'est-à-dire créer un ver complètement virtuel. Et si on y arrive, ce sera une preuve que le concept est envisageable. Et oui, ils essayent de recréer. Je crois que c'est un animal pluricellulaire, mais l'un des animaux pluricellulaires les plus simples. Oui, j'avais entendu parler de ça, c'est assez enthousiasmant en effet. Pardon, ouais, donc il nous dit que pour y arriver, il faut simuler toutes les cellules. La discussion est entrecoupée, c'est difficile. Et comme le développement du ver est stéréotypé et qu'il ne possède que 900 cellules, c'est envisageable. Voilà, alors, je ne sais pas s'il y a autre chose après. Et environ 300 neurones, voilà, nous dit-il. Il y aura une part d'approximation, c'est sûr, une part de modélisation. Je concède qu'on peut fortement diminuer cette part, mais on arrive à pas mal de choses comme ça. Hop, et puis il nous a mis un lien. Donc c'est un lien un petit peu impossible qu'on mettra dans les notes de l'émission. C'est pas un truc qu'on peut citer à l'oral comme ça, mais c'est drôlement intéressant comme projet. Merci Pierre. Merci beaucoup. Ouais. Ok, moi j'avais pas tellement d'autres questions ou d'autres remarques comme ça à chaud, mais j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je te remercie encore de t'être prêté au jeu de la présentation de ce dossier, et puis de t'être risqué quand même à ce sujet qui est pas simple. Merci à toi surtout, puis c'était agréable de faire ça avec toi, et puis c'est sympathique d'avoir eu quand même cette petite discussion après pour prolonger un petit peu le débat. Je suis encore désolé d'avoir été trop long en fait, et voilà, merci beaucoup. Il y a pas de souci. Puis alors maintenant qu'on a une nouvelle émission, alors dans le podcast tout ça sera fusionné, collé j'imagine, mais pour ceux qui nous ont suivis en live, donc il y a eu une interruption et puis quelques 8 à 9 minutes après on est revenu, on a repris l'antenne. Du coup, là, il nous reste, on doit fixer une durée, donc on l'a fixée à une demi-heure. Du coup, il nous reste un petit peu de temps. Alors peut-être que la singularité ne sera pas si singulière que ça. On va quand même faire notre quote. Du coup, Hélène avait préparé quelque chose. Puis on va peut-être aussi en profiter pour dire les deux, trois petits trucs qu'on a l'intention de dire depuis plusieurs épisodes, mais on a une gestion du temps si catastrophique que finalement on l'a jamais fait. D'abord, un peu in extremis. Demain, jeudi 16 février, il y a l'apéro Sciences et Web numéro 13. Qui sera justement animé par Pierre Kerner, qui va parler du projet Strip Science, donc dédié à la bande dessinée et à l'illustration scientifique. Alors, ce sera l'occasion de rencontrer les dessinateurs, les blogueurs scientifiques, plein de monde. Et puis, ce sera l'occasion aussi de faire connaissance dans la vraie vie pour certains d'entre nous, parce que moi, j'y vais. Je prends le TGV demain et hop, j'y vais. Franck, voilà, il y aura une petite délégation Podcast Science lors de cet event. J'y passerai aussi, mais sans doute assez rapidement, parce que je vais avoir un autre rendez-vous juste après. Ok, bon, bah, écoute, c'est cool si on arrive à se croiser au moins à cette occasion-là. Très très chouette. Sinon, dans les petit plug, ça fait environ 3 semaines que je voulais en parler. J'ai déniché ça sur la page Facebook de notre ami Nicolas Gauvry, qui est psychologue et mathématicien, qui était venu nous parler dans Podcast Science numéro 29 des biais statistiques, et c'était encore un de ces numéros passionnants. Et puis il disait donc dans sa page Facebook, je suis en train d'écrire un livre sur la culturomique, l'étude des grandes bases de données du style n-gramme, qui permet de voir l'évolution depuis 1800 du nombre d'apparitions de mots dans les livres publiés. Par exemple, on peut étudier l'air de la célébrité de certains personnages, etc. Et si vous avez des idées de mots à tester qui pourraient avoir un intérêt psychologique, historique ou sociologique, au sens naïf de ces termes, n'hésitez pas à commenter. Alors bon, maintenant c'est un peu tard pour Facebook, mais si jamais, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, s'il y a des sujets qui vous intéressent. Il donne un exemple. Il disait par exemple, on peut essayer sur Ngram Viewer fromage et dessert et essayer de comprendre pourquoi il y a un pic de fromage dans les années 40. Voilà, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse beaucoup. Et autrement, vous êtes toujours là? Moi, j'entends plus personne. Oui. Ah ouais, je suis pris d'un doute affreux. Sinon, alors dans les choses qu'on avait envie de dire, il y avait plein de choses. Déjà, une réponse, enfin une intervention de Pierre Kerner sur le dossier sur les cellules souches. Donc je vous lis ce qu'il nous a indiqué, en précisant d'ailleurs que c'est galère d'essayer de noter des choses en écoutant un podcast dans le métro, mais enfin voilà. Il disait, l'une des premières questions de Franck a porté sur le patrimoine génétique des cellules des organismes pluricellulaires. Franck a demandé si toutes nos cellules possédaient exactement le même génome et a parlé de différences qui existeraient dans les gamètes, les cellules sexuelles, alias spermatozoïdes et ovules. Alors pour être plus précise, Hélène aurait pu lui dire que toutes nos cellules somatiques sont censées avoir un génome identique, alors que nos gamètes ont d'une part la moitié du matériel génétique des cellules somatiques et accumulent d'autre part des différences génétiques dues au brassage génétique qui s'effectue lors de leur formation. Et c'est quoi donc que les cellules somatiques? Eh bien c'est simple, ce sont les cellules de notre corps qui ne seront jamais à l'origine des gamètes. Mais encore, comme l'a fait remarquer Hélène, certaines cellules somatiques de notre corps, comme nos globules rouges, subissent des modifications telles qu'elles perdent carrément l'intégralité de leur noyau et sont dévoués de génome. On peut aussi citer le cas de remaniement génomique programmé qui s'effectue dans nos lymphocytes. Chaque lymphocyte produit en effet des anticorps uniques et ça ne pourrait pas avoir lieu sans que de la variation programmée s'opère pour générer des protéines inédites, capables de procurer une défense contre des agents pathogènes inconnus. Et cette variabilité, elle s'opère au niveau de l'ADN par des cassures et réarrangements programmés qui vont, tel un jeu de cartes, battre les différentes combinaisons de parties d'ADN pour permettre la production d'anticorps Frankenstein jamais exprimé auparavant. Et pour les cellules cancérigènes humaines utilisées en laboratoire, c'était une question qu'on se posait, la lignée la plus connue est en effet celle appelée HeLa, diminutif d'Henrietta Lacks, patiente atteinte d'un carcinome du col de l'utérus. L'histoire de l'isolation de cette lignée cellulaire est passionnante et je vous conseille de lire un livre sur le sujet, La vie immortelle d'Henrietta Lacks de Rebecca Clout. Et sur le sujet aussi, il nous a mis deux liens qu'on mettra dans les notes d'émission. Un sur un article de blog et puis un autre sur un épisode génial de Radiolab qui avait été diffusé en mai 2010. Et puis accessoirement, Science Weekly, le podcast du Guardian d'il y a 2 ou 3 semaines, je crois, a rediffusé un sujet justement, une interview de Rebecca Sklott qui parlait des cellules d'Henrietta Lacks, de sa vie, son œuvre, ses enfants, son contexte social. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et puis, il nous indique encore, je ne sais plus maintenant, je me suis emmêlé dans mes notes, je ne sais plus si c'était Pierre ou si c'était Minaret sur Twitter, enfin l'un des deux ou peut-être les deux nous ont signalé que les cellules hématopoïétiques sont formées dans la moelle osseuse et non dans la moelle épinière. C'était un petit lapsus comme ça qui s'est glissé dans le dossier. Donc ouais, voilà, toutes sortes de précisions. Voilà, on s'en mêle les moelles. Voilà, sinon, sur Podcast Science 70 ou 70 sur le photovoltaïque, en toute fin d'émission, on avait Christophe qui nous demandait pourquoi les panneaux sont reliés en série et non en circuit parallèle. On avait bredouillé une réponse comme ça en direct, mais je ne sais plus qui c'était maintenant, c'était Franck ou Marco qui avait trouvé la réponse. Qui indiquait donc que la mise en série de plusieurs cellules solaires somme les tensions pour un même courant, tandis que la mise en parallèle somme les courants en conservant la tension. Donc la plupart des panneaux solaires photovoltaïques destinés à un usage général sont composés de 36 cellules en silicium mono ou polycristallin connectées en série pour des applications en 12 volts nominal. Ça veut dire qu'on a environ un tiers de volt par cellule, et puis qu'en les mettant en série, ben, on arrive à un 12 volts, ce qui est plus intéressant. Autrement, on avait Asterna qui nous a fait un commentaire sur le même dossier. On avait parlé à un moment donné de la pétition des marchands de chandelles en vue d'interdire le soleil. Alors, Eterna nous indique que c'est un texte semi-parodique de Frédéric Bastiat, un économiste et politique français du début du 19e siècle. Et c'est pour faire interdire les fenêtres par lesquelles le grand concurrent, le soleil, entre et éclaire ainsi gratuitement. C'est une parodie, évidemment, pour expliquer par l'absurde pourquoi le libre-échange et l'ouverture des frontières ne pouvaient à l'époque apporter que des bénéfices. Et puis Eterna nous dit en passant que le Bastiat en question écrit très bien, qu'on n'est pas forcément d'accord, mais que c'est très bien écrit. Et puis, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Ouais, j'ai encore un tout petit peu de temps. On a David Loapre de Science Étonnante qui a fait pour nous le calcul que j'évoquais en tout début de dossier. Donc il nous disait, intéressant dossier sur ce sujet chaud, quelques points pour compléter. D'abord, sur les besoins de l'humanité en énergie, on estime on les évalue à 15 TWh. Le flux solaire incident au-dessus de l'atmosphère est de 1300 watts par mètre carré en incidence normale. Si on compte l'absorption par l'atmosphère, on tombe à 1000 watts par mètre carré en incidence normale. Puis si on tient compte du fait que seulement la moitié de la Terre est illuminée et de l'effet de projection qui fait que la surface de la Terre n'est pas perpendiculaire aux rayons, on tombe à 250 watts par mètre carré de flux incident sur la surface terrestre. Il faudrait maintenant encore réduire un petit peu à cause des nuages. À un rayon de la Terre de 6300 km, je trouve une surface de 5,10 puissance 14 mètres carrés, soit environ 125 000 TWh de flux incident. Donc la puissance incidente est environ 8300 fois la puissance consommée par l'humanité. Comme il y a 8760 heures dans une année, on voit qu'en gros, une heure de soleil sur toute la Terre donne l'énergie pour une année. Donc le truc que je démolissais en début d'émission, en fait, il l'a recalculé et il nous indique qu'il est correct. Si on ajoute l'effet des nuages, etc., l'estimation de 90 ou 90 minutes paraît pas mal. Voilà, il nous précise encore la différence entre l'effet photoélectrique et l'effet photovoltaïque, c'est que l'effet photoélectrique éjecte les électrons du matériau, alors que l'effet photovoltaïque, plus doux, les met dans un état d'énergie plus élevé, ce qui leur permet de nous fournir de l'énergie à nous. Et puis, accessoirement, il nous remerciait pour la citation. On avait fait un renvoi sur son blog dans cet épisode-là, parce qu'il parlait de l'ascenseur spatial, concept drôlement intéressant. Voilà, sinon je pense qu'on aura encore tout plein de choses à dire, notamment sur le fameux débat sur les 70, 80, 90 ou 90, qui a été tranché par notre ami linguiste Thierry Reber. Mais si on veut quand même passer la quote, je vous propose qu'on en reste là pour cette fois, et puis peut-être qu'on aura l'occasion, qui sait, de revenir enfin sur ce thème-là. Donc hop, j'ai meublé pendant que je cherchais mon jingle, mais Hélène, la parole est à toi. Oui. Donc c'est une citation de Jean Dion, qui est un journaliste québécois, enfin je trouve assez rigolote. Le principe de l'évolution est beaucoup plus rapide en informatique que chez le bipède. Ça, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça colle bien d'ailleurs avec le thème du jour, ça me plaît. T'as dit que c'est de Jean Dion. Jean Dion, ouais. C'est le cousin de Céline. Ça doit être ça. Ok, excellent. Bah, cette fois, on a même le temps de se dire au revoir comme il faut, de passer le générique pour de vrai. Donc c'est le premier épisode où on s'est dit au revoir deux fois en somme. Donc voilà, singularité, il y aura quand même eu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'infini avec Nico Tup. C'est ça. Excellent. Bah, d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.